Connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Dernière chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 88-276-8080 et est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. On va parler de golf avec notre ami Serge Cloutier. Salut Serge! Bonjour Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Serge, évidemment, lorsqu'on parle de lorsque je t'appelle, c'est parce qu'il y a un tournoi majeur et c'est le deuxième gros tournoi majeur en fin de semaine, celui de du tournoi de la PGA. Oui, avant, ce tournoi-là était toujours disputé. C'était le quatrième tournoi, après le US Open puis après le British Open. OK. Maintenant, on a devancé là, depuis la pandémie. Alors là, on a eu il y a quelque temps le Masters, gagné par le Japonais Matsuyama. Et là, ben, on s'en va vers une surprise. Remarque, c'est seulement deux rondes, parce que la fin de semaine, il va rester deux grosses rondes. Il y en a qui vont être éliminés aujourd'hui, dont Dustin Johnson, qui ne fera pas la cote. Il y a plus six. Alors, tu vois, lui, il a une mauvaise fin de semaine. Justin Thomas, qui est un des favoris, plus quatre. On va décider d'ici la fin de la journée, ça va être quoi la cote. Mais c'est certain qu'à plus 6, les joueurs ne joueront pas en fin de semaine. Alors, il y a de très bons golfeurs qui ne joueront pas. Rory McIlroy, peut-être, mais c'est pas certain non plus. Mais le meneur, c'est la surprise, le vétéran Phil Mickelson. Ouais. C'est lui qui mène à moins 5. Lui est au chalet, il avait joué de bonne heure ce matin. Alors, c'est lui qui est à moins 5. Corey Connors, le Canadien, qui était le premier hier à moins 5, bien, il est rendu à moins 2. Alors, il a joué 75. C'est un terrain extrêmement difficile. Okay. Et ça se déroule en Caroline. Oui, donc, c'est justement, c'est le terrain difficile. C'est quoi les particularités pour que ce soit difficile comme ça? Bien, c'est que les verres sont difficiles pour le putting, mais c'est la façon dont les trous sont faits. Il y a beaucoup, beaucoup de danger de sortir des allées, de tomber dans l'herbe haute. Alors, c'est un terrain qui ne pardonne pas, comme on dit en termes de golf. Okay. Alors, quand tu vois Mickelson avoir deux rondes en bas de la normale à son âge, parce qu'il est rendu dans l'âge de jouer senior, mais lui, il peut encore jouer avec les meilleurs de la PGA parce que il est exempt de se qualifier. Il a gagné tellement de tournois. Alors là, tu vois Mickelson qui est à moins 5, qui a joué moins 2 hier, moins 3 aujourd'hui. Tu te dis, tabarnouche, jouer en bas de la normale, c'est pratiquement un exploit. Alors là, on va voir ce qui va se passer en fin de semaine. Koepka est dans la course. Ça, c'est important, malgré un mal de genou. Puis, il a été blessé, puis il n'est pas encore remis comme il faut. Sauf qu'il est capable de bien se débrouiller. Alors, tous ceux qui seront à l'égalité du terrain, ou moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 avec Mickelson, seront dans la course pour la fin de semaine. OK. Le fait qu'il y ait de l'expérience, est-ce que ça peut aider? Est-ce que ça peut expliquer un petit peu dans un terrain difficile comme ça? Bien, tu sais, un gars comme Mickelson, c'est sûr qu'il y a tellement de métiers. Mais il n'y a personne qui le voyait là en fin de semaine. Là, parce qu'il joue encore du bon golf, mais pas assez pour gagner des majeurs. Mais là, c'est sûr qu'il reste deux ronds. Puis comme je te disais, entre moins 5 et l'égalité du terrain, il y a beaucoup de bons joueurs qui sont là, dont Connors, le Canadien, dont Koepka. Alors à ce moment-là, est-ce que Deschambault même est dans la course? Parce qu'il va faire la cote en fin de semaine. Alors, tu sais, qui va gagner? Est-ce que Mickelson est capable de tenir la fin de semaine, là, encore deux rondes pour finir premier? Je ne sais pas. C'est un golfeur que j'admire beaucoup. Maintenant, est-ce qu'il... c'est ça qu'on va voir, parce que plus ça va aller, plus ça va être difficile. Fait que c'est pas un tournoi qui se gagne à moins 20, là. C'est un tournoi qui va se gagner probablement à moins 7, moins 8 maximum. Alors, quand t'es moins 7, moins 8, là, c'est parce que le terrain est difficile pour le... Surtout quand tu réussis à gagner, là, avec un pointage comme ça. OK. Serge, le Canadien, qu'est-ce qui est arrivé avec le Canadien qui avait bien commencé hier? Il s'est effondré totalement, hein? Ben non, c'est lui, Connor, ce que je te parlais, okay. Hier, il avait terminé à moins 5. Ouais. Puis aujourd'hui, il a joué 75 plus 3. OK. Mais il est encore dans la course, il est à moins 2. OK. Alors, tu sais, moins 2 à moins 5 avec deux jours, là, c'est pas beaucoup. Okay. Alors, lui, là, Connor, là, c'est le meilleur Canadien sur le circuit de la PGA. Puis, il est encore là. Je ne sais pas s'il peut gagner, mais il va être dangereux. OK. Serge, on s'en parle lundi pour la conclusion, pour voir ce qui s'est passé. Absolument. Bonne fin de semaine. Serge Cloutier.